Une fanfic d'une phrase écrite et narrée par Mia, alias Mia QC. Maintenant que je suis une femme, je sais que l'amour peut arriver de façon inattendue. Mais pourquoi suis-je tombée amoureuse de cette version sombre de moi-même qui habite le grand miroir de ma chambre?